Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers amis, je suis heureux aujourd'hui d'être chez vous par la télévision pour vous présenter le Quartier Latin Entreprise, mon orchestre, qui est composé des musiciens de talent que vous allez découvrir pour la première fois en live, c'est-à-dire dans un spectacle en direct. Je vous demande d'accueillir avec des applaudissements très très forts, très très fournis, le Quartier Latin Entreprise dont voici l'ossature. Ils sont là. Merci d'applaudir encore plus fort. Benico, Tseka, Chomba, Eli, Didas, bienvenue, Tsingy, Félix Tyson, Caps de Caps, et le plus beau soliste du Zaïre, le Boukabouya. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes ce soir pour que le spectacle Tchatch que vous allez vivre soit en fait un spectacle inoubliable. Je vais demander tout de suite à Tseka de faire un rythme pour inviter les danseurs et les danseuses du Quartier Latin. Tseka. Benico. Augusto. Didas. Chomba. Applaudissez-les à tout à l'heure. Merci. Je vous demande d'applaudir très très fort le Quartier Latin Entreprise. Thank you. Les amis, pour votre bonheur ce soir, vous allez voir ce type là que vous aimez beaucoup, qui a eu beaucoup de succès en Europe, au Canada et partout où nous avons été en Afrique. Je vous demande d'accueillir pour la première fois en direct et pas dans un clip à la télévision zaïroise, Tsatsame Akwakate Tolin, Applaudissez très très fort pour Tolain. Il est là. Applaudissez, merci. Merci beaucoup. Oui, il va ramasser son argent, c'est normal. Chers amis, Maintenant, votre spectacle commence. Et je voudrais vous demander la permission, vous qui êtes ici, de commencer ce spectacle par rendre hommage à des personnes qui m'ont été plus qu'utiles, des personnes qui ont été à la base, à l'origine de Koffi Olomide, chanteur, auteur, compositeur. Permettez-moi, s'il vous plaît, je sais que ça se fait très rarement. On oublie souvent de rendre hommage aux gens de leur vivant, mais je voudrais moi saluer le Seigneur Leïta Bouley, que je vous demande d'applaudir, qui est mon maître, ainsi que mes aînés de Los Miquelos, en interprétant pendant 2-3 minutes un bout de leur chanson. Merci beaucoup. Me Maintenant, pour votre bonheur, voici donc le répertoire qui est le vôtre, c'est-à-dire le répertoire Tchatcho. Nous allons commencer par une chanson pour rendre hommage à Dieu, composée par Kofi Olomide, qui s'appelle « Chemin de la vie ». Je vais vous demander de l'écouter et surtout d'appliquer ce que l'auteur dit dans la chanson. Merci beaucoup.

Salao ya imi kolwe moninga ka pansa na kate ya charie yotiki mwana moninga na pasie yotiki mota na makela na wale yotiki mota linga ka ya na pinye somba noki gringo na spari somba noki apema somba na zangwe somba noki luminuku edi merfi somba noki vous allez applaudir les danseuses d'enfer qu'on imite partout mais qu'on n'égale pas. Voici d'abord Rosette Bidi Bidi, l'original. Merci Amine. Voici maintenant Chauffeur Bango. Chauffeur Bango Zina. Abogo pour la Zina. Loketo. Voici maintenant Tseru Abina Ranamoulangi, Moliette, Rita. Je vous présente maintenant Maman Plis, Jackie de Canabs, Mabogo Maman Arulia. Je vous présente enfin Mireille Mwana Dallas. Mettez Mabogo pour la Mireille. C'est quoi ton nom chauffé? Tyson. La soirée va continuer pour votre bonheur, votre plaisir. S'il vous plaît. Nous allons maintenant faire la chanson suivante dans le répertoire et qui s'appelle Stila Jamaïca de Suzuki 4x4. Jamaïca, naleli yolokola na boko njoka. Stila Jamaïca, naleli yolokola na boko njoka. Bango, bafani sa kuja boko. Memento pate, misa na boko kutu. Na yeba kite bimo. Elanga bolingo mama ngala we mama ngala we katoi tamoli lokola molinga likaya epaya baboti bayo bango pe bayinga susi anga na yo silatiko bango pe bayinga ingi bimina nino koya bato mungu. Yeah, Mama.

Merci, merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour vos encouragements. La soirée va continuer, je vous l'annonce. Il était une fois un jour, et puis plus rien. Un jour, à quoi donc veux-tu que je serve, dès lors que je cesse d'être la moitié de toi? Personne n'en vit mon sort. Ici où je suis, Abidjan pourtant n'est pas si loin. Reviens. Mokoe, mokoe, mokoe, mokoe, La voix d'un dîner manière. La quartier va comment on le voit eux. Papa Koulou Tuna Bango. A commandé papa pasteur. Papa plus, plus. Papa top. N'est-ce que vous êtes commandant de la ville. A commandé calme. Bandaraga. Aya. A commandé tranquille. Aïe. Il fit. C'est ça. Thank you. Jamais. Ouais, un quartier latin, entreprise. Pas de faux pas. Bango bakanisa kezali puta kizoba zoba. Ouais, ali puta kizoba zoba te. Niko mokondi. Ouais, ali kosude te. Ezali kobamba te. Ouais, un quartier latin, entreprise. Yaka na linga boji iwaye tozwanga yolo iyo Papa, I'm with you. Il s'agit, chers amis, bien entendu, nous allons faire pour vous Senga, Papa Plus, mais il faut un instant. Il ne s'agit pas d'un concert, mais d'une émission de télévision. Il y a un programme qui est établi, il faut que nous le respections, vous aussi. Franchement, vous serez gentils d'être coopératifs. On va faire Senga, mais tout à l'heure. Merci beaucoup. Oh, wana miso nzambe mokonzi

Les amis, nous allons devoir nous quitter parce qu'il est temps, l'émission va. Merci infiniment. Dans le cinéma, dans le bas bien.